J'ai encore un peu mal à la gorge. C'est ce que je constate au micro, effectivement. Au genou et au coude. Bon, vous le savez, on était mixé à l'aéronef hier et ça s'est très très bien passé. Oui, en fait, toutes les soirées de cette fête d'Halloween sont très bien déroulées, que ce soit les 40 ans de Galaxy, d'autres sets, il y a aussi d'autres collègues de la radio qui ont fait leur propre soirée. Enfin voilà, ça a cartonné partout et ça fait vraiment du bien de reprendre des bonnes vieilles habitudes de sortie. Et vive la culture, vive la musique et vive sans pleurer, sans reproche, on peut le dire. En tout cas, nous, on s'est vraiment bien éclaté. Encore un grand merci à toute l'équipe de l'aéronef. Accueil impeccable, technique impeccable. Et je pense que tous les groupes présents hier soir peuvent dire la même chose. Ah, tout à fait, oui. Puis j'ai pu revoir, on a pu revoir Whispering Sounds et écoute, j'ai vraiment adoré la prestation que j'avais vue au WFest il y a quelques mois. M'avait pas du tout parler, mais là j'ai retrouvé de bonnes sensations avec cette formation. C'est vraiment du très très bon son. Tous les concerts ont été géniaux. On pourra en parler des heures en fait. Ah ouais, bah ouais. Allez, on fait un petit bond vers le futur. Allez, on retrouve nos petites habitudes. On a commencé cette émission avec notre sélection de la semaine. C'est l'album We Are Vanishing de The Rorschach Garden. On s'est écouté le morceau Winter Requiem, pardon. Un petit topo tout à l'heure vers 21h. C'est une très très bonne sélection de la semaine, totalement atypique d'ailleurs. En parlant d'atypisme, je pense que t'en as passé aussi une la semaine dernière, Greg, avec Fif. Oui. Alors franchement, c'est une sacrée découverte. Hein. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter l'album. Non, Walter. Pas encore. Non. Bah écoute, je sais que je te le garantis, tu vas te régaler. C'est une explosion de d'émotions qu'on retrouve sur cet album. Ça s'appelle The 16 Deaths of My Master. C'est paru chez Prophecy Productions. Ils nous envoient ça. C'est un label allemand. Et Tiff, lui, quant à lui, est américain, basé à Los Angeles. C'est un producteur très talentueux. Je vous propose de retrouver son album et avec, bien sûr, le titre Under King. On poursuivra avec même veine musicale et dans les mêmes genres. Hein, on va retrouver Perturbator, du nouvel album, dernier album en date, qui est absolument fantastique. Et on terminera avec le nouveau single digital de Combi Christ. C'est parti, Thief, Perturbator, Combi Christ, dans Sans pleurer sans reproche. Toute l'actu électro-indus sur l'île. Sans reproche. Hi, this is Dylan from Thief, and you're listening to Sampler at Sans Reproche on Galaxy Radio. Couldn't you be a friend and hook me up with some vodka? Bleed out. Let's dream, snapshot, thoughts, you press the iron and feel it hot. We'll be right back. Activation. Voilà, on a démarré avec l'excellent projet américain TIFF, qui va devenir une référence à coup sûr. Il s'agit du projet de Dylan Neal, basé à Los Angeles. C'est son quatrième album, intitulé The 16 Deaths of My Master, qui est un peu un véritable chef-d'œuvre, hein. Entre musique expérimentale, dark wave, on retrouve des éléments industriels, dubstep, avec des chants grégoriens, c'est vraiment quelque chose d'explosif et de très mystique. On s'écoutait le titre Under King. Après cela, on a retrouvé l'américain également, Perturbator. Et un nouvel extrait de son dernier album, Lustful Sacraments. On s'écoutait le titre Secret Devotion, pour un petit peu coller à l'univers de TIFF. Là aussi, hein, c'est vraiment du lourd, l'album est absolument génial. On retrouve beaucoup de musique rétro synthwave, vraiment bien fichu. Et bien sûr avec une âme de rocker en fait, hein, dans sa façon de produire ses albums. Perturbator sera quant à lui en tournée mondiale l'année prochaine. Voilà. Ils passeront d'ailleurs par l'aéronef. C'est bon à savoir. On a terminé avec Can't Be Christ. Et un des deux nouveaux singles que ce groupe propose chez Out of Line. J'ai choisi ce soir Compliance, qui est vraiment très très bon. Can't Be Christ revient enfin à l'électro EBM, alors que sur le dernier album paru il y a 3 ans, je crois, il avait sombré dans le metal attitude, hein, c'était du gros crossover. Ah ouais, carrément, il faisait la première partie de Rammstein. Oui, tout à fait, ouais. On les avait vus à Berlin, ça envoyait sévère. Ouais, ouais. Et donc voilà, il est revenu à l'électro, et c'est une fort bonne nouvelle. Ce single est très très bon, et ça, donc, prévisage un album des plus intéressants. Ce sera chez Out of Line. Walter, je te passe le relais. On va continuer avec un vinyle. C'est le Theme from Space Guard de Nutstans Committee. Je savais que Malte Steiner était fan des machines musicales, mais je ne savais pas qu'il était doué en informatique. En 2005, il se lance un défi, celui de créer son propre jeu vidéo Space Guard et d'en faire la bande originale également. Je n'ai pas eu l'occasion de jouer à Space Guard, mais j'ai eu l'énorme chance de recevoir par la poste, s'il vous plaît, dans ma vraie boîte aux lettres, son vinyle, accompagnant donc son jeu vidéo. Ce Theme from Space Guard, non seulement la pochette est très très belle, mais le disque est magnifique. Il est orange translucide, c'est incroyable. Et cerise sur le gâteau, les 4 morceaux sont excellents pour se plonger dans l'univers très informatisé de Malte Steiner. Du grand art. Sachez que le vinyle est limité à 300 copies, alors faites vite si vous désirez ce maxi. On s'écoutera le morceau Battle on Mars. Et on continuera avec une nouveauté de chez Ukonx Recordings, qui sortira que le 7 novembre prochain. Et on terminera avec la Punta Bianca. Thank you. Smell of pain, smell of pain, smell of pain, smell of pain. En tout premier, quelque chose de limité à seulement 300 copies. Le thème from Space Wars de Nonsense Committee. Ça sort sur sa structure, un bloc fier. On s'écoutait le morceau Battle on Mars. Je vous le reprécise, mais c'est franchement un très très beau vinyle. Un des plus beaux dans ma collection d'ailleurs. Et des sonorités excellentes. Oui. On a continué avec une nouveauté de chez Ukonx Recordings, le groupe The Droid. C'est le projet du britannique Ben Evans. Il sort un EP 5 titres, Subside. Lui, il fait dans une électro-techno très mécanisée et moins froide, que celle de Deonphasis, avec lequel il s'associe pour le morceau Soul. La sortie officielle est le 7 novembre et c'est déjà dans son plus récent approche. On a terminé avec une sortie intéressante pour Detriti Records. C'est le troisième volet de la série Split. Que partage ce coup-ci la Punta Bianca et Cousinha. On s'est écouté la Punta Bianca avec le morceau Smell of Paint. J'aime beaucoup ce groupe. Ce sont des Italiens et c'est composé de Francesca et Philippe. Ils me font penser quelque part aux Barcelonais de Semiotic Department of Heteronyms. C'est la nouvelle génération biberonnée à la Minimal Synth qu'ils reproduisent à merveille, avec un chant italien, mais aussi parfois en français. La prochaine fois, je vous passerai les Russes de Cousina. À toi, mon cher Greg. Allez, on poursuit encore avec des nouveautés. J'ai déjà commencé à vous présenter le nouveau projet de James Knight. Donc, il est en duo et collabore sur le projet Démocratie. Après un single digital très intéressant, avec une musique extrêmement douce. On poursuit dans cette même veine musicale, très synth-pop, avec cette fois-ci un album. On s'écoutera extrait de celui-ci, le titre Persistence. Après Democracy, ce sera le premier ou deuxième EP digital de G.G. and the Robots, qui avait fait un super hit avec Jean-Luc Demeyer en featuring. On retrouve d'ailleurs ce titre sur ce EP, 5 titres. Mais j'ai choisi le titre Spirits in the Sky, qui est également paru en single digital il y a quelques semaines. Et donc voilà, c'est officiel. Et on terminera dans une veine très très proche de G.G. and the Robots, très très kraftwerkien dans la façon de voir la musique, leur univers musical. C'est Réaction, une découverte du label Out of Line. J'avais déjà diffusé le Nano, titre Nano en single digital. Là vient de paraître un EP digital 3 titres et on retrouve 2 remixes. Et j'ai choisi le titre exécuté par un de ses collaborateurs en K-Pole Remix. C'est parti, Democracy, G.G. and the Robots et Réaction. Electro, Indus, Pop, Body, Rock, Dark, Goth, sans sampleur et sans reproche. Toute l'actu Electro-Indus sur l'île. No. Thank you. You know that when I die, Voilà, dans la douceur, on a démarré avec Democracy, c'est le nouveau projet de James Knight. L'album s'appelle Perform and Consume. Il est paru il y a 4 jours seulement sur le label Specchio Uomo. On s'est écouté le titre Persistence. Avec ce projet, James Knight visite des contrées électroniques très synth-pop, tout ça dans le calme, la douceur, la beauté. Donc un album très très très très calme. Ensuite, JG and the Robots, merci Walter pour la prononciation. Attends, excuse. Et donc on s'est écouté le titre Spirits in the Sky, qui provient donc d'un EP paru chez UTM Music Group. C'est ce fameux label qui nous envoie cette promo en digital. Bon, c'est vraiment très très kraftwerkien dans la démarche. Et je trouve ça vraiment bien fichu. Après JG and the Robots, on a retrouvé dans le même univers musical une découverte du label Out of Line. C'est Reaction, avec le titre Nano qui est donc paru en single il y a quelques semaines, quelques mois. Et là, il commence à décliner quelques remixes. J'ai choisi le K-Paul Remix qui est vraiment exceptionnel. Un artiste à suivre. Parution Out of Line. Walter, je te propose de poursuivre l'aventure de cette émission. Bah oui, avec la sélection de la semaine, qu'est-ce qu'on pense? Il est l'heure. Allez, on voit. C'est We Are Vanishing de The Rorschach Garden. J'étais vraiment très sceptique à la sortie du dernier maxi de The Rorschach Garden qui s'appelait Dangerous Isolation Site. Je trouvais la musique totalement décalée par rapport aux autres projets de Film Punch. Vous le connaissez, c'est tellement fou furieux de musique plutôt industrielle d'ailleurs, puisqu'il a un projet qui s'appelle Synapscape, ou bien encore Ars Moriendi, ou Cell Automata. J'ai totalement changé d'avis à l'écoute de son album We Are Vanishing. Ce projet est tout simplement fabuleux. C'est un formidable mélange de post-punk, de cold wave, avec des brins de new wave. Le plus difficile a été le choix des morceaux à diffuser. Il y en a 14. Vous ne serez donc pas déçus à l'acquisition de We Are Vanishing, sublime mélange d'atmosphère. La petite cerise sur le gâteau pour nous, c'est que ça sert aussi à Culture Wave. On a commencé l'émission avec Winter Requiem et on continue avec Temple Dance. We do it with love. Activation. C'est vraiment excellent. Je te remercie. Ouais, belle sélection. The Rorschach Garden avec Temple Dance de l'album We Are Vanishing. Et ça sort chez le géantissime Hansen. On fait un très court agenda. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, quelques dates. Ouais, je sais que t'as préparé une petite fiche, toi. Ouais, allez, une micro-fiche. Je voulais annoncer le Etropolis à Oberhausen, puisqu'il y a Front 242, Covenant, Ossico, Diorama, Torul, Zweitejugend et Fixate Sedate. Le 27 novembre, il y a deux dates qui se chevauchent, pardon. Il y a Pêche, c'est composé des membres de Der Klinke et Red Zebra. Et il y a Wolf Seven qui joueront au Baroque de Bruges. Mais le même jour, au magasin 4 de Bruxelles, il y a le Willy Fest. C'est organisé par Dimitri, bien sûr. C'est le Belgium Underground Music. Il y aura The Breath of Life, Doll, Enzo Kraft, The Ultimate Dreamers, Hernia et Disorientation. 10€ en pré-vente. Oh, c'est rien. C'est rien du tout. En parlant de The Ultimate Dreamers, je sais pas si tu as vu le post de Fred Coton concernant les Fantastic Night et les arrêtes. Je suis vraiment contrarié par cette nouvelle. Ouais, la gorge serrée quand j'ai appris ça. Ouais, et je vais terminer avec le 4 décembre. Il y a Lebanon Hanover et Cellophane qui joueront au Black Lab de Wascal. C'est ici dans Chenor. Ouais. Tout à fait. Voilà. Ben, moi, j'ai quelques dates de l'agenda de l'aéronef. Notamment en électro, rayon électro, jeudi 4 novembre, il y a Synapson qui joue un peu plus tard, mais la date est sold out, est pleine depuis très très longtemps. C'est bien sûr Catherine Ringer. Ah. Ah ouais, oui. Elle sera là pour rendre hommage au Rita Mitsuko. Voilà, donc ça peut être vraiment sympa. Toujours en électro, le samedi 20 novembre, l'excellent Wax Taylor. Le mardi 23 novembre, pour du punk suédois, c'est les Viagra Boys qui joueront avec Tamar Apek, plus une autre formation. Ensuite, normalement, Einstürzen de Neubotten qui devrait jouer début décembre. Apparemment, il y a des pourparlers comme quoi la date serait déplacée. Le lendemain, mardi 8 décembre, dans un rayon métal sataniste, bref, c'est tout un spectacle qui se joue autour du projet Igor, avec 3 R. À savoir que la première partie sera assurée par l'excellent groupe Orsk. Ah ouais? Ouais. Peut-y aller. Ce serait pas mal, ouais. Tout à fait. Et le 10 décembre, Tilassine, notamment à l'origine de la bande originale la série OVNI qui est parue récemment sur Canal. Il a fait participer Ben Wagner pour un featuring et ça fait partie de cette BO, un titre phare d'ailleurs, qu'on a diffusé il y a quelques temps. Voilà pour la rubrique news. Je propose de reprendre une de tes sélections, une nouvelle séquence. Ouais, c'est une nouveauté de chez Cop International. Après avoir collaboré avec le génial John Fryer, Emile Groin de Chiasm s'offre les services d'un autre monstre de la musique électronique, c'est Jean-Marc Lederman, que vous connaissez depuis les années 90 avec The Weathermen. Ils sortent Venus Chariot, c'est un bon album, bien fourni d'atmosphère très travaillée. On n'est pas dans un registre traditionnel de musique électro-industrielle. Là, on travaille plus les atmosphères qui vont parfaitement la belle voix de la belle Emile Groin. On passera le morceau Anymore. On continuera avec un groupe de la région, c'est Trobarklos. On continuera avec mes chouchous, Full Contact 69. Techno Clash. Never knew these cries would land right here on your floor. I don't think we can take much more. Our hearts are growing poor. And now maybe next time we'll know not to restrain. Our direction's not the same. So tired of constant pain. think I face this war. Well, it's nothing like we've seen before. So I can't take this heartbreak. What used to be great thoughts have turned up on my head. Try to decipher now the dread. This circumstance breeds dread. We're so lost. Our minds are distracted. Well, the damage left to us. These knives have been sharpened. Well, it's unlike we've known before. Well, that would be just fine. But I'm losing my mind. Nothing like I've known before. So I can't take this heartbreak. Shot through our fate. We've watched it break. It's not too late. This cannot wait. Shot I'm not afraid to die. Bon sang que ça fait du bien de réentendre parler de Full Contact 69. Ce combo allemand composé de Sebastian Schleichnitz et Andreas Schubert, qui s'était perdu un peu avec son projet Monsieur Désastreux. Si vous chassez le naturel, il revient en galop. Et le BM Old School qu'ils envoient sur ce single Face to Face sonne Frontline Assembly, période Caustic Grip, ça déchire tout. De ce single, j'ai choisi de passer le remix de leur compatriote Chris Korte. Juste avant, Troberklos avec le morceau Adukstat. C'est un single. Si vous ne savez pas ce que c'est le Troberklos, sachez que c'est un art poétique développé par les troubadours. C'est dans cette idée, évidemment, que le projet Lillois prend forme. Ils sortent ce single explorant plusieurs facettes de musique totalement différentes, voire opposées. Ils ont fait paraître un clip que je vous invite à regarder sur YouTube. Oh, merci Johan d'ailleurs d'avoir pensé à nous pour sa promo. Et en tout début de séquence, c'était la collaboration entre Emile Legron et Jean-Marc Lederman. Le morceau Anymore du très très bon album Venus Chariot. Et ça apparaît chez Cop International. Allez, on poursuit l'émission avec... Qu'est-ce encore. Que t'as fait hier soir? Je sais pas, j'ai fait le con. Non. Allez, je vous propose une découverte fort sympa. Si vous aimez le style de musique que fait KMFDM, vous allez être ravis de ce qui arrive. C'est un projet d'une artiste américaine appelée Sign. J'ai reçu l'album Desire, Daniel and Paramania, sorti chez Emergency Hertz, un label du Texas, et envoyé par UTM Music Group, excellente plateforme promo. Grosse découverte pour cet album, on retrouve notamment Chris Connelly, c'est le titre qu'on va s'écouter tout à l'heure d'ailleurs, avec un titre qui s'appelle Desolate District. On retrouve également des collaborations avec Midbeat Manifesto, Night. Voilà, c'est une sorte d'électro-crossover, bien, comme savent si bien les faire les Américains, et là en l'occurrence les Américaines également. Voilà, on s'écoutera donc le fameux titre en featuring avec Chris Connelly, hein, qu'on connaît, Revolting Cogs, Finny Tribe, Ministry, bref, un grand nom de la scène alternative américaine. Donc Desolate District, Sign. On enchaînera dans un même univers musical également avec Corlix. C'est la troisième séquence que je passe, c'est la troisième promo du label Out of Line. Donc il fait paraître beaucoup de singles digitaux en ce moment. Et là c'est le groupe Corlix, un duo, un couple, qui sortent le titre The Echo. Et on terminera avec une promo que j'ai reçue cette semaine, enfin la semaine dernière. C'est le nouvel album le premier album, je crois, du groupe français basé, je crois, dans la région parisienne, qui s'appelle Je t'aime. Un très joli nom de groupe et une musique qui, je pense, va beaucoup vous plaire également. On est complètement dans le post-punk, la cold wave, et également des bons titres électro figurent sur cet album. D'ailleurs, j'ai sélectionné le titre Spyglass. Voilà, c'est parti, Sign, feat, Chris Connelly, Corlix et Je t'aime. Your mess red cloud when Activation. Ah, une petite séquence quand même assez cold wave, post-punk, limite gothique même. Allez, on a démarré avec une super production qui nous est donc envoyée par UTM Music Group. Le label, c'est Emergency Hertz. Et on s'écoutait l'album Desire, Daniel and Paramania de l'artiste féminine Sign. C'est le titre Desolate District, qui est en chantant en collaboration avec le très talentueux Chris Connelly. L'album est paru il y a seulement 3-4 jours, donc c'est tout frais. Ensuite, Corlix, là aussi, hein, c'est un groupe qui va cartonner. Out of Line les ont chapardés au label Negative Gain, pour lequel ils avaient déjà fait paraître un album l'année dernière. Donc voilà, l'ascension est engagée pour cette formation, un duo. Un duo anglais, franchement, très très sympa, avec le titre The Echo, c'était un single digital. Et on a terminé avec Je t'aime, groupe français, qui me fait beaucoup penser à The Cure. Je pense que c'est une influence majeure pour cette formation. Ça nous est envoyé par Noir Productions, je vous remercie, salut Elliot. On a pu le recevoir en CD, c'est vraiment très très agréable. L'album est super, franchement c'est à l'image du titre qu'on a écouté, Spyglass. C'était le titre le plus électro de l'album, mais on retrouve des atmosphères plus post-punk sur d'autres titres. Voilà, je vous en repasserai, ça c'est promis. Je t'aime, groupe français, une vraie fierté. Voilà. Et Walter, on va terminer tout doucement cette émission de ce 1er novembre. Exactement. On va commencer cette dernière séquence avec Biohacker, le morceau False Prophet de l'album Slicker. D'ailleurs, False Prophet a fait l'objet d'un single paru en juillet. L'ambiance de ce morceau est très bien amenée par des samples, c'est vraiment un super boulot. On continuera avec William Maybelline et son propre projet Qual. Là, il quitte sa zone de confort et nous propose un album hyper sombre, c'est Tenebris in Lux. C'est directement en relation avec l'épidémie et qu'il évoque souvent, annonçant parfois la fin de notre société actuelle. C'est franchement réservé aux amateurs de Cold Wave très très sombre. C'est sorti en vinyle et cassette pour les collectionneurs. Sorti d'ailleurs sur Operation Qual Records. On terminera avec une nouveauté de Shenzhen, c'est Gutenberg. Stéphane Halt, le boss du label, adore le Japon. Et une partie de la musique qui s'y crée. Gutenberg est le projet de Shuhei Sakurai. Et ça, c'est mon rayon, normalement. Hein. je sais pas si je le prononce bien. Ah hein. Non, mais écoute, je te félicite. Je te remercie. T'es même plus doué que moi, je crois. La musique de ce japonais est un sacré cocktail, comme le dit l'affiche promo. Et j'ai envie de rajouter un cocktail sans aucun complexe qui pioche dans l'indus, le bruitisme que les Nippons adorent, l'atmosphérique. Si vous êtes ouvert d'esprit, vous allez passer un bon moment. Ce sera le morceau Oversize Coating. C'est un featuring avec Xu. Cet album s'appelle Coordinate. On va se quitter là-dessus. Sachez que la semaine prochaine, nous ne serons pas présents dans les studios. On va récupérer d'un gros anniversaire qu'on va fêter à Lyon. Mais toutefois, si vous êtes chanceux, si vous nous écoutez en direct, vous aurez le droit à un petit mix exclusif qui n'apparaîtra jamais sur les podcasts, qui ne sera diffusé qu'une seule fois. Ça met l'eau à la bouche, ça, non? Bon, bah Walter, c'est parti pour la musique. Merci encore pour hier, le public, les héros. On est encore sur notre petit nuage. Merci encore de votre fidélité à Sampleur et Sans Reproche. Vous nous écoutez sur Deezer, Amazon Music, iTunes, PodCloud, Mixcloud et Archive.org et le site de Galaxy Radio, section replay. galaxyradio.fr. Notez bien cette adresse. Bon allez, à dans 15 jours en direct. À dans 15 jours, ciao. Techno Clash. Fire. Our first true piece of technology. 100,000 BC. Stone tools. 4,000 BC. The wheel. 9th century AD. Gunpowder. 19th century. Eureka, the light bulb. 20th century. Your television, nuclear weapons, spacecraft, internet. 21st century, biotech, nanotech, fusion and fission and M-theory. And that was just the first decade. We are now 3 months into the year of our Lord, 2023. At this moment in our civilization, we can create cybernetic individuals who, in just a few short years, are completely indistinguishable from us. Which leads to an obvious conclusion. We are gods now. Nothing was made in a bad place. Ritual elevation. Wickedness of man. Feeding their emotional states. With the bullshit, I wish them to know. That's how I make them go to the dots. I need them to go. To make my religion come true. Tell me my pines, speak my prophecy. Bringing a new age upon us. Bringing a new age upon us. Bringing a new age upon us. I am the false prophet. Do not hear me, fear me instead. Virus of faith is undead. In the minds of the people, I will reap my reward. Of those who deserve no penance for the weakness makes them but one. Just a regular old disabled. gods now. Thank you.